des partis politiques, des leaders sur des campagnes, la campagne des primaires, dont il parlera, des primaires en France qui, comme vous le savez, ont lieu maintenant. Et le premier débat a lieu jeudi prochain, débat en tout cas à droite, chez les Républicains. Donc si ça vous intéresse, vous êtes cordialement invité. Contrairement à ce mardi, il n'y a pas d'inscription, etc., puisque, à mon avis, on aura place pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, donc, je vous ai promis, je vous ai dit que ce cours serait déjà relativement important, puisqu'on va parler d'un aspect plus technique et un aspect fondamental de la communication politique, un aspect qui, je dirais, transcende, je ne sais pas si c'est avec ça, qui transcende les différentes campagnes électorales, c'est bien sûr la question des sondages, et qui met plutôt la vie politique dans. Qui lui donne un rythme de campagne électorale permanente. Donc on en a déjà un tout petit peu parlé. Alors on va voir pourquoi, pour limiter les risques d'une mauvaise utilisation accidentelle, malveillante des résultats par étude de sondage, par baromètre politique, il faut entreprendre des efforts d'éducation, tant du public, du grand public, leur dire c'est quoi un sondage et qu'est-ce qu'un vrai sondage, qu'est-ce qu'un sondage stratégique, mais pas seulement du grand public, également du journaliste, des journalistes pour qui les sondages sont une sorte de graal aujourd'hui, et qui prennent pour argent comptant et qui dictent d'une certaine manière le tempo, voire l'agenda du débat public. Alors, on va s'intéresser un petit peu à la préhistoire des sondages. J'espère que j'aurai pas ce problème d'affichage pour tous les slides. Bon, ça va. Alors, très rapidement, pour revenir un petit peu sur l'histoire, pour voir d'où on vient avec ces sondages, donc même pas l'histoire, mais la préhistoire, cette histoire des sondages est indissociable de celle des recensements, des statistiques de population, des probabilités, grand boom de ce domaine au 19e siècle, avec un certain Charles Booth, que vous voyez donc ici, et qui s'est intéressé à cette époque aux conditions sociales à Londres, donc au tournant du 20e siècle environ. Alors, s'intéresser aux conditions sociales, c'est-à-dire s'intéresser à la vie des gens dans les différents quartiers de Londres. Et donc il a, comme vous voyez, publié un ouvrage « Life and Labour of the People in London », au tournant du siècle. Et c'est vu, perçu en tout cas par certains, comme la première référence d'analyse structurée en la matière. Donc la première référence de sondage, je dirais, pas encore tout à fait scientifique, mais en tout cas avec une volonté véritablement probabiliste de mettre en place, en tout cas, un contexte d'études moderne. Alors, on cite aussi les enquêtes menées quelques années plus tôt par le département américain d'agriculture auprès d'un nombre limité d'exploitations agricoles aux États-Unis pour estimer la production agricole nationale. Alors bien entendu, ce n'est pas la première fois qu'on compte les individus, qu'on s'intéresse à la démographie, qu'on s'intéresse à la production. On peut revenir au temps des Égyptiens ou beaucoup plus tard au temps de Guillaume le Conquérant qui, en Angleterre, a mis en place une sorte de recensement de population. Mais bon, on n'était pas encore, je dirais, doté d'outils modernes pour le faire. Alors en Russie, là aussi, un comité central statistique a réalisé dès les années 1870 des études par sondage pour, voilà, encore une fois, s'intéresser aux villages jugés typiques afin d'évaluer la situation des différentes régions. Donc vous voyez que c'est vraiment à cette époque-là qu'on s'intéresse à la quantification, je dirais, des populations et à la démographie. Alors, les progrès enregistrés dans le domaine des statistiques au XIXe siècle ont été bien sûr considérables. Alors, les recensements, c'est-à-dire la mesure ou l'enquête auprès d'un ensemble d'une population, a été considérée comme vraiment la seule façon de juger et la seule façon fiable de décrire les paramètres étudiés, donc de s'intéresser encore une fois à ce qui compose le démos dans un pays, dans une région. Et peu à peu, les difficultés qu'on a rencontrées justement dans l'exécution de ces recensements vont en fait susciter un intérêt pour la mesure sur échantillon. Donc on a vite compris que d'un point de vue statistique, on pouvait très bien s'intéresser à un échantillon beaucoup plus réduit pour tirer des enseignements que l'on tire également d'un recensement plus global. Donc travailler sur un échantillon, c'est-à-dire sur une partie seulement de la population étudiée. Et donc dès la fin du 19e siècle, vous voyez ici, on va débattre de la représentativité de ces échantillons et donc de la pertinence, de la précision de ce qu'on appelle l'inférence, donc de l'extrapolation des mesures que l'on effectue sur l'échantillon, et donc à quel point un échantillon est, d'une certaine manière, fidèle à l'image de l'ensemble de la population. Okay, donc les discussions vont porter sur différents sujets, mais on fait rage en tout cas dans le milieu de la statistique, et notamment dans le cadre des travaux de l'Institut international de statistique, qui sera fondé en tout cas à cette époque, en 1885, et qui va, encore une fois, travailler sur cette question et professionnaliser ces études-là. Alors, en Europe comme aux États-Unis, le développement de l'étude sur échantillon est avant tout motivé par le besoin d'informations sur différentes caractéristiques, différents comportements, différentes attitudes d'individus dans des conditions qui, en général, rendent difficile le recensement. Donc, on ne peut pas toujours sonder l'ensemble de la population. Ce n'est pas toujours possible. Et donc, il fallait souvent, dans l'urgence, trouver des modes alternatifs de collecte des données pour guider les décideurs, les préparer ou vérifier des modèles ou des théories. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. La grande crise des années, crise financière et économique des années 30, 1930, là aussi, suscitera un besoin particulièrement important, particulièrement crucial, d'informations sur la population au moment où les conditions économiques et également la brutalité des phénomènes apparus avec cette crise ne permettaient pas justement des études de grande envergure. Ça devenait très difficile. Pourquoi ? Parce que d'une part c'était trop lent, les événements s'enchaînaient, et donc c'était beaucoup trop lent de faire un grand recensement, et surtout c'était beaucoup trop cher, hein, donc ça devenait trop onéreux. Alors il y a une date qui est très importante, c'est novembre 1936. Alors en novembre 1936, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que les ancêtres en fait des sondages modernes, des sondages préélectoraux organisés dans le cadre des présidentielles américaines, sont vraiment apparus à ce moment-là, en 1936. Alors traditionnellement, depuis le 19e siècle, donc le siècle précédent où on a vraiment vu l'apparition de ces outils-là, différents journaux américains organisent ce qu'on appelait des straw votes. Les straw votes, c'est des votes de paille. Des votes de paille. Alors pourquoi on parle de votes de paille ? Eh bien, parce qu'il s'agit de recueillir les intentions de vote du plus grand nombre possible d'individus, soit en fait en invitant les lecteurs à renvoyer un coupon, soit en disposant des urnes à la sortie des endroits de passage, des gares, des péages, etc. Ou alors en envoyant des questionnaires à partir de listes. On prend un numéro téléphonique, par exemple, puis on essaie d'appeler un maximum de gens, ou on fait du porte-à-porte. Et donc, avec cet outil fortement rudimentaire, le journal qui organise cela va publier, avant l'élection, des résultats sur le vote de paille, sur un test vote, hein, et entend de la sorte prédire le résultat des élections. Alors le procédé amuse bien sûr les lecteurs, on aime bien donner notre avis en général, et la fiabilité tient avant tout au grand nombre de réponses récoltées. Donc le vote de paille n'a bien sûr aucune validité scientifique, mais on teste en tout cas l'opinion publique de manière rudimentaire. Mais au même moment, on commence déjà à travailler sur les échantillons, je vous ai dit, eh bien, quelques personnalités audacieuses, ont organisé leur propre enquête. Donc, ils vont rompre avec cette logique du vote de paille, de ce sondage un petit peu popularisé en tout cas par les journaux. Et on a donc un certain nombre de noms importants, de personnages qui vont apparaître à ce moment-là. Alors, les deux premiers sont peut-être un petit peu moins connus. Archibald Crossley et de Elmore Roper. Alors, un petit mot sur eux. Archibald Crossley, eh bien, lui, il a travaillé sur des études de marché depuis les années 20 et a fondé dans les années 20, 1926, sa première entreprise dans le secteur. Donc, en fait, il a recours au sondage téléphonique dans des études d'audience. Donc, on a les premiers sondages téléphoniques, on travaille là aussi, là déjà sur l'échantillon. Le deuxième, c'est, ça je vous dis juste pour information, le deuxième c'est Elmore Roper. Alors lui aussi débute avec des études de marché et n'est arrivé dans le domaine du sondage politique que tardivement, après un passage par une agence de publicité. Et donc lui va en fait fonder un institut de consultants en marketing dès les années 30, et là aussi va proposer des enquêtes qu'il va effectuer périodiquement pour un magazine, le magazine Fortune, dans les années 30. Donc on a là les premiers pionniers qui travaillent sur l'échantillon, mais la personnalité la plus connue, et vous voyez son nom ici, c'est George Gallup. Alors George Gallup, il est toujours connu aujourd'hui, puisque les sondages Gallup existent toujours. Et George Gallup, en fait, c'est un psychologue de formation. Donc, il va s'interroger très tôt sur les méthodes d'enquête, jusqu'à entreprendre une thèse de doctorat sur la question. Donc, et il va s'intéresser aux comportements électoraux et démontrer que, dès le début des années 30, dans les journaux, les gens s'intéressent à beaucoup à ces questions d'opinion. On aime bien, encore une fois, qu'on lui demande notre avis, qu'on nous sonde sur notre opinion. Et donc, lui aussi va faire un détour par une agence de publicité, que vous connaissez peut-être, Young et Rubicam, qui existe toujours aujourd'hui. Et ce qu'il voulait absolument faire, c'était aboutir à un sondage périodique sur l'opinion publique. Et donc, c'est ça qui va devenir par la suite le Gallup Poll, donc le sondage Gallup, et qui va faire son apparition dans la presse dès 1935, avec un intitulé accrocheur, America Speaks. Donc l'Amérique vous parle, l'Amérique parle. Donc évidemment, c'est vraiment prendre le pouls de l'Américain, l'électeur américain. Et donc, pourquoi ce fameux 3 novembre 1936 ? Eh bien, parce que le 3 novembre, il le retrouve. Qu'est-ce qui se passe en novembre, vous savez ? Voilà, donc, novembre 1936, on était aussi dans une année électorale, et Gallup a prévu la victoire de Roosevelt, à l'époque, avec 54% des voix. Notre ami Crossley, donc, que j'ai cité tout à l'heure, lui aussi, avec son sondage sur échantillon, voyait la victoire de Gallup avec 55% des voix. Et le Literary Digest, donc, qui est, voyez ici, ce magazine, qui lui effectuait toujours des votes de paille, prévoyait la victoire du candidat opposé, Landon, avec 57,4% des voix. Donc il s'est complètement planté. Okay, donc les votes de paille étaient complètement à côté, et les sondages par échantillon, eux, étaient pour la première fois, en tout cas, on a validé leur résultat, et donc c'était l'heure de gloire du sondage par échantillon à ce moment-là. Alors, les votes de paille ont donc été abandonnés, et les sondages sur échantillon représentatifs avaient démontré en fait leur potentiel, malgré une erreur d'environ 6 points de pourcentage à la fin. Mais on verra que ces fameux points de pourcentage, eh bien, aujourd'hui, posent toujours un petit peu question. Alors, et d'ailleurs, cette question est toujours, ce débat autour des sondages est toujours présent aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, Gallup, les fameuses enquêtes Gallup, eh bien, ont été abandonnées pour cette campagne aussi, en 2016. Alors, c'est étonnant. Donc on voit ici en 1936, je vais vous montrer le schéma. Donc on voit Roosevelt, le résultat, et puis on voit effectivement ce que je viens de vous dire. Hein. Donc c'est la comparaison. Alors pourquoi est-ce qu'on a abandonné le fameux sondage Gallup en 2016 ? Eh bien, parce que le fameux sondage Gallup en 2012 a prévu la victoire de Romney contre Obama. La belle chance. Donc, et pourquoi est-ce que sont complètement plantés? Pourtant, franchement, on s'imaginait que Obama avait des chances d'être réélu. Ben, on voit ici que le sondage Gallup complètement à côté de la plaque. Donc j'ai une petite vidéo, alors c'est en anglais, mais qui explique un petit peu le phénomène. has decided to withdraw from the U.S. presidential primaries and may even sit out the general election. Perhaps it's not too surprising, given that they predicted Mitt Romney would beat Barack Obama in 2012, and instead, as we know, he lost by about a four-point margin. Over the past few decades, polling has become increasingly inaccurate. With the upcoming 2016 election, it's important to know, why did polls get it wrong so often? Well, there are a number of reasons why polling accuracy has declined. For one, cell phones are on the rise, while fewer and fewer people use landlines. Now, why would this be a problem? Cell phones can't be auto-dialed, according to the 1991 Telephone Consumer Protection Act. In order to call someone's cell phone, a live person needs to be the one to do it. For every 1,000 respondents, it takes about 20,000 calls to random numbers, most of which are non-working numbers. This is incredibly expensive, and as a result, some polls don't include cell phones. And since younger people, lower-income Americans, and minority groups often only use cell phones, they are extremely underrepresented compared to older white people who still rely on landlines. Another problem with polling is the reticence to even state an opinion. Polls now have an extremely low response rate. Back in the late 70s, an 80% response rate was considered acceptable. By 2012, the Pew Research Center reported that that number had dropped to 9%. Some say this is due to fears over privacy and confidentiality. It's pretty tough to determine the pulse of a nation, though, when relatively few people seem interested in sharing their opinions. But polling inaccuracy extends past the phone line. Internet polls come with their own set of problems. Most significantly, they do not account for a relevant group of responders. While 93% of 18 to 29-year-olds in the U.S. use the internet, in the 2014 midterm elections, only 13% of that age group showed up to vote. Meanwhile, more likely voters have considerably lower rates of internet use, rendering online polls a poor representation of public opinion. Bon, je m'arrête là parce que c'est les éléments qu'on va voir dans un instant. Donc, voyez, en fait, nos moyens de communication ont simplement complètement changé. On n'a plus de ligne fixe pour le téléphone. Enfin, beaucoup de gens n'ont plus de ligne fixe. Non plus qu'un GSM, qu'un smartphone. Et les sondages qu'on fait par Internet, ou vous savez, les sondages tous les jours qui sont publiés ou que les quotidiens proposent, la plupart des gens qui votent en ligne, il n'y a pas de garantie que ces individus se rendent le jour de l'élection dans l'urne pour voter, dans l'Ille-de-Loire, pardon, pour voter. Donc il y a là, en tout cas, un problème peut-être de temporalité et d'époque. Donc les sondages Gallup ne sont plus, en tout cas, adaptés à notre époque. Alors, en Europe, eh bien, retenons peut-être simplement le nom de Jean Stutzel, que vous voyez ici, et qui est un sociologue français et qui a fondé l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP. Vous entendez, on a déjà entendu parler. Et donc en 1938, après un séjour aux États-Unis et une rencontre avec justement Gallup. Et alors l'IFOP va imposer la crédibilité du sondage politique lors de la campagne pour l'élection présidentielle dans les années 60-65. Et donc là aussi, on va avoir la preuve que les sondages peuvent prédire, en tout cas, d'une certaine manière, le comportement électoral, et on a vu en tout cas que la chute de popularité du général de Gaulle qui a été prédit par les sondages s'est vérifiée. Alors vous voyez qu'aujourd'hui les sondages IFOP c'est un petit peu surtout n'importe quoi. Vous avez vu ici, là c'était un sondage qui a vraiment défrayé la chronique et qui a causé du problème justement à l'Institut en disant mais attendez, calmez-vous avec vos questions. C'est peut-être. Parfois il y a aussi une tendance à prendre le pouls de la société, mais qui peut découler, on va voir, des effets directs et indirects des sondages sur d'autres questions. Alors, on peut quand même citer quelqu'un qui est un petit peu plus sceptique sur la question, qui s'appelle, vous reconnaissez peut-être la personne, Jürgen Habermas, un sociologue allemand, et qui explique que jamais le matériel d'un sondage, les opinions d'un échantillonnage quelconque de la population, n'a par lui-même, et pour la seule raison qui viendrait à nourrir la réflexion, enfin, c'est toujours des phrases un peu longues, jamais le matériel d'un sondage n'a par lui-même valeur d'opinion publique, résumons. Okay. Donc, la question de l'interprétation est centrale, demeure centrale. C'est ce qui va surtout nous intéresser dans la seconde heure, ce que vous faites du sondage. Le sondage, c'est une matière première. Après, il y a ce que vous en faites en tant que politique, en tant que journaliste, c'est vraiment des questions déontologiques, voire éthiques. Alors, passer aux aspects techniques. Alors, dans sa pratique, le sondage relève d'une démarche relativement complexe, hein, qui résulte d'une part de la rencontre entre deux domaines bien distincts, la sociologie, on l'a vu, la plupart de ces individus qui se sont aventurés dans cette question des sondages sont des sociologues de formation, parfois des psychologues, et les statistiques, les mathématiques, les statistiques. Et donc le sondage relève des techniques d'investigation dites quantitatives, par opposition, comme vous le savez, aux études qualitatives, donc les entretiens de groupe, par exemple. Alors on a déjà vu la nuance entre le recensement, qui consiste en une étude sur l'ensemble de la population, et le sondage, qui n'étudie qu'un échantillon jugé représentatif de la population étudiée. Alors c'est quoi cette représentativité ? Un échelon se dit représentatif dans la mesure où il présente des caractéristiques aussi proches que possible de l'univers qu'il est censé représenter. Et donc la connaissance de l'univers, elle est absolument cruciale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, ici, dans cet auditoire, je veux prendre un échantillon, c'est-à-dire je travaille qu'avec le petit groupe ici, il faut que je sois certain que ce petit groupe-là, qui est en bas, possède les mêmes caractéristiques, d'un point de vue statistique, hein, en termes de moyenne des comportements, que l'ensemble de l'auditoire qui soit présent. Donc qu'il n'y ait pas un biais, que, par exemple, les personnes qui soient au premier rang ne soient pas sociologiquement différentes, qui n'aient pas une catégorie d'âge, une origine ethnique, sociale, etc., qui soient fondamentalement différentes que les personnes qui soient assises tout derrière. Donc vous voyez, on joue déjà sur des nuances qui peuvent être très précises et qui peuvent être chargées sociologiquement parlant. Donc la question de la validité d'échantillons, elle est extrêmement complexe, et donc ça c'est tout le travail des instituts de statistique, des instituts de sondage également, de veiller à ce que ces échantillons soient scientifiquement, encore une fois, corrects, c'est-à-dire qu'ils soient représentatifs. Donc cette représentativité va être estimée, assurée, par rapport à un certain nombre de paramètres qui peuvent varier en fonction de la nature de l'étude, bien sûr, donc, mais qui vont en général graviter autour des variables sociodémographiques. Hein, donc sociodémographique, c'est le sexe, l'âge, la profession, par exemple, le niveau d'études. Donc, l'hypothèse, c'est qu'il y ait une interchangeabilité, vous voyez ici, des individus au profil sociodémographique similaire. Donc si je remplace ce groupe ici par le groupe tout derrière, logiquement, je devrais tomber sur exactement les mêmes données et les mêmes résultats. Vous voyez, l'hypothèse est déjà assez posée. Alors, la démarche repose donc sur une hypothèse que les individus qui représentent un profil, pour être bien précis, hein, qui ont un profil sociodémographique similaire, vont présenter des attitudes, des comportements ou des opinions similaires. Voilà en tout cas pour ce point. Alors, la question maintenant de la précision et de la fiabilité des sondages. Dans la hiérarchie de la fiabilité, puisqu'il y a différents types de fiabilité, il y a différentes techniques, vous voyez ici au-dessus, hein, il y a différentes techniques qui peuvent être jugées de manière différente. Donc, le face-to-face, hein, qu'ont utilisé les premiers sondeurs en rencontrant directement les gens, le sondé qui discute directement avec un enquêteur fiable, c'est de plus en plus rare. Hein. Et puis là aussi, il y a des biais qui peuvent apparaître, hein, puisque lorsque vous faites face à une personne, vous ne réagissez pas forcément de manière complètement neutre, ou de manière complètement rationnelle, objective, etc. Donc, mais quand même, ce sondage est considéré comme plus fiable que le sondage par téléphone, et lui-même est considéré comme bien plus fiable que le sondage par Internet. Alors la technique du face-à-face, elle n'est pas sans défaut. Je l'ai dit, souvent, la technique du face-à-face, il faut tomber sur des gens. Vous savez, typiquement, c'est lorsque vous marchez dans la rue, des gens qui sont là avec des carnets et qui vous demandent « Excusez-moi, vous avez 5 minutes pour répondre à une question ». Donc déjà, il ne faut pas être pressé. Donc, d'un point de vue sociodémographique, il y a toute une partie, des gens qui travaillent, qui sont pressés. Si vous faites ça dans le quartier européen, ils n'auront pas le temps de s'arrêter et répondre à vos questions. Par contre, si vous baladez le week-end, si vous baladez dans un, je sais pas, dans un parc où les mères de famille promènent leurs enfants, où vous avez des grands-parents qui sont là avec leurs petits-enfants, ils auront peut-être davantage de temps. Donc là aussi, il y a énormément d'éléments qui peuvent venir influer les résultats. Le téléphone, lui, il permet davantage de contrôler les choses, peut-être, mais en général, on n'ose quand même pas dire n'importe quoi. Hein, par téléphone, on n'ose pas dire n'importe quoi. Si on vous appelle demain, si vous êtes en France et si on vous dit monsieur, pour les prochaines élections présidentielles, vous comptez voter pour qui, la personne se dit, mais il a eu mon téléphone, il sait qui je suis. Si je lui dis que je vote pour, je sais pas, Marine Le Pen, peut-être que ça va me porter un préjudice. Donc il y a ce, mais encore une fois, c'est peut-être cette peur de l'authenticité, de la vérité, de la transparence qui peut apparaître. Et puis les sondages par Internet, c'est là, il y a énormément de biais, on va voir ça plus loin, mais il ne faut pas oublier que les gens sur Internet, ils sont souvent couverts par l'anonymat, donc vous pouvez vous défouler, en fait. Vous pouvez répondre de manière beaucoup plus, vous pouvez être beaucoup plus énervé aussi derrière votre écran que vous seriez face à un interlocuteur. Et donc, ce qu'on remarque dans les sondages par Internet, c'est qu'il y a énormément de gens, par exemple, dans des sondages électoraux, qui vont se dire, ça y est, moi j'ai voté pour un parti populaire, son petit système, j'en ai marre, ils sont tous pourris, etc. Mais le jour où ils arrivent donc, dans l'isoloir, et ils ont toute la liste devant eux, ils se disent, oh, quand même, je ne sais pas si je peux quand même voter pour un parti, est-ce que c'est vraiment responsable, etc. Donc là aussi, il y a parfois des éléments contextuels qui peuvent jouer. Donc, Et l'autre problème, mais qui a tendance à s'effacer aujourd'hui, c'était peut-être encore le cas il y a 10-15 ans, c'est que le sondage par Internet, il avait un biais jeuniste, hein, c'est-à-dire qu'il y avait toute une partie de la population qui n'était pas connectée, informatisée, qui ne rentrait pas dans les résultats. Alors l'échantillonnage, c'est bien sûr le cœur de la démarche du sondage, et il se situe, encore une fois, dans la façon de constituer un échantillon. Alors, la méthode de l'échantillonnage, elle résulte d'un compromis. Vous voyez, c'est un compromis entre le coût, ça coûte de l'argent, et la représentativité. Il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour que le sondage soit considéré comme scientifique, en tout cas comme correct. Et donc, il y a le prix, et puis il y a l'effectif. Alors, il y a deux facteurs déterminants, donc la taille de l'échantillon, l'effectif, et la méthode de recrutement. Comment est-ce qu'on va choisir pour recruter les individus? Et donc là-dedans, il y a deux familles de sondages. Vous avez les sondages aléatoires, probabilistes. On va estimer que votre échantillon représente une vérité sociodémographique. Ou les sondages par choix raisonné. Là, le sondeur, il va se dire, là, je sais que dans cet échantillon, dans ce premier rang, il y a peut-être des gens qui... s'il reconnaît des personnes, sont peut-être viennent plus souvent en cours que ceux qui sont tout derrière, qui arrivent un peu en retard, etc. Donc, il y a effectivement des ajustements qui sont faits de manière ici des questions raisonnées, mais qui visent encore une fois à gommer des biais qui pourraient être présents dans un sondage aléatoire. Donc, actuellement, la plupart des sondages généralistes se contentent d'un échantillon, pour vous donner un chiffre tout de suite, de 1000 personnes. 1000 personnes, c'est le chiffre magique des sondages. Alors pourquoi 1000 personnes? On retient ce chiffre comme ordre de grandeur, parce que c'est un bon compromis entre la fiabilité et le coût. Hein, et ce, aussi bien pour l'étude qui porte sur un pays plus petit, comme le Grand-Duché de Luxembourg, que comme la France ou l'Allemagne, etc. On verra plus loin, la mesure de la fiabilité du sondage est quasi indépendante de la taille de l'univers. Vous savez ce que c'est l'univers, hein. L'univers c'est l'ensemble vraiment représentatif étudié. Donc statistiquement, on arrive au même résultat avec une personne interrogée. Et donc, quant aux différents types de recrutement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, la façon de sélectionner les individus interrogés, ils sont très nombreux, mais en général, ils sont là aussi regroupés dans ces deux familles, sondage aléatoire et sondage par choix raisonné. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Donc, soit on laisse parler les probabilités, soit on va quand même veiller à modifier deux, trois éléments pour que ce soit quand même Alors, les sondages raisonnés, dont je viens de parler, toute méthode de recrutement qui ne répond pas aux critères de l'ensemble, donc c'est-à-dire si vous reconnaissez des disparités dans l'échantillon, eh bien, vous devez gommer ces différences et donc vous arrivez à une forme de résultat empirique, puisque empirique, le terrain parle, il y a une connaissance de l'univers, une connaissance du terrain qui est nécessaire de la part du sondeur. Donc, le travail est beaucoup plus important, si vous voulez, du côté de l'Institut de sondage. Alors voilà un petit peu pour cette définition, mais retenez en tout cas que les sondages les plus répandus sont les sondages par choix raisonné, hein, donc on fait vraiment attention à l'univers, à l'échantillon, et on parle de sondage par quota, donc on ne va pas aller voir individuellement chaque personne quel est son pédigré sociodémographique, mais on va travailler un petit peu par quota. Je vous parlais tout à l'heure de l'âge, le sexe, le revenu, etc. On va un peu travailler sur ces questions-là. Et donc, l'échantillon est délibérément construit. Donc, c'est un travail du sondeur, il est délibérément construit. Et si vous voulez vraiment vérifier ou aller beaucoup plus loin dans cette question-là, vous pouvez travailler, vous pouvez aller vérifier, étudier la black box, hein, vous savez, la boîte noire des instituts de sondage, pour aller voir comment ils procèdent, comment ils fonctionnent. Parce que c'est là, finalement, le nerf de la guerre. Et on pourra contester, éventuellement, le travail des échantillonneurs. Un petit peu comme avec Gallup, qui fonctionnait avec les téléphones, etc., que ça ne fonctionnait plus, en tout cas, pour cette élection-là. Alors, j'arrive à ce qui constitue pour moi vraiment l'élément fondamental lié au sondage. C'est la fameuse marge d'erreur. Alors, tout ça, on était dans des statistiques, on était dans des définitions, etc. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus concret. Et en tout cas, je veux vous sortir d'ici avec un certain nombre d'outils qu'on vous permettrait d'appréhender les prochains sondages qu'on va vous soumettre, que la presse va vous soumettre, que les journalistes vont vous soumettre. Et vous savez très bien qu'on va être noyé ces prochains mois, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, etc., par les sondages. Alors, la marge d'erreur. Eh bien, parmi les mesures proposées pour encadrer les sondages, et au centre donc, d'une vive polémique, figure cette question d'obliger les instituts de sondage à publier la marge d'erreur. Alors, l'IFOP, souvenez, on a parlé de l'IFOP tout à l'heure, qui a été fondée donc, dans les années 40 déjà, et elle publie désormais une estimation des marges d'erreur. Et l'Institut précise comment lire le tableau. Ici, ça paraît un petit peu compliqué. Donc vous voyez, la seule chose qui paraît plus claire avec cette courbe, c'est les fameuses 1000 personnes qu'on interroge. Vous voyez que le coût entre la taille d'échantillon et la marge d'erreur maximale, vous voyez qu'on arrive à une sorte de compromis à 1000. Et que autour de 1000, la marge d'erreur, elle se situe au niveau de 3. Mais avec ça, vous n'allez pas arriver à faire grand-chose. Alors ça, c'est ce que vous voyez en général dans votre journal, ou à la télévision, on vous dit, voilà, le grand baromètre Ipsos ce soir a été réalisé sur base d'une échantillon globale de 2677 répondants. Vous dites, bah tiens, c'est bien, 2677 répondants, c'est pas mal, c'est plus que 1000, vous avez beaucoup d'argent. Mais non, faut pas oublier qu'en Belgique, on a... Des univers politiques séparés, hein, Flandre, Wallonie, Bruxelles, pour les sondages politiques. Et donc vous voyez que, ici pour ce sondage, il est question de 1016 personnes en Wallonie, 1052 en Flandre, et 609 personnes dans les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Donc vous voyez qu'à Bruxelles, on est loin des 1000 nécessaires pour avoir un sondage correct. Donc ça, déjà, ça pose une question de validité, de précision. Mais oubliez ce... Enfin, n'oubliez pas, mais allons plus loin dans la précision. Voilà le fameux tableau qui a été fourni par IFOP et que vous devriez toujours avoir sur vous, en fait, lorsque vous avez un sondage devant les yeux. Donc, et ça, c'est la règle d'or. Pour un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 20%, donc imaginons le PS est à 20% je sais pas, à Bruxelles ou en Wallonie, eh bien, la marge d'erreur est égale à 2,5. Donc, le vrai pourcentage est donc compris entre 17,5 et 22,5%, puisque vous ajoutez 2,5 avant, 2,5 ça, c'est la règle vraiment principale. Donc vous voyez ici, pour les 1000 personnes interrogées au Royaume-Uni qu'on avait tout à l'heure, eh bien, lorsque on vous dit le PS est à 20%, ou le MR est à 20%, vous voyez ici que la marge d'erreur est à 2,5 dans la ligne, eh bien, vous voyez que les résultats peuvent varier entre 17,5 et 22,5. Okay, voilà un peu pour la règle. Alors, si jamais l'échantillon est le plus petit, on vous dit l'effectif, hein, donc le nombre de personnes interrogées est de 600. Là, regardez, lorsqu'on est à 20%, donc 20 ou 80, c'est la même chose, à 20%, on est déjà à une marge d'erreur de 3,6. Si je ne me trompe pas, c'est un petit peu haut pour moi. Oui. Donc, plus 3,6, moins 3,6, ça fait, vous voyez, l'écart est énorme. Alors, voilà comment les médias en parlent. Demain, nous serons à 100 jours des élections du 25 mai. À l'approche de cette échéance importante, quelle est la santé des partis politiques? Autrement dit, quelles sont vos intentions de vote? C'est l'un des enseignements majeurs du grand baromètre RTL Ipsos de soir. Le PS est en léger recul, tandis que le MR progresse quelque peu. Les petits partis, les extrêmes, PTB+, les partis populaires gagnent des points. On voit cela avec Frédéric Delfosse. L'hiver aura été venteux, mais pour certaines formations politiques, les rafales ont emporté des intentions de vote. En Wallonie, le parti des Lions du Roupeau reste sur la première marche. Mais le parti socialiste se tasse encore un peu depuis l'automne, à 28,4%. En deuxième position, le mouvement réformateur, un MR qui gagne quelques points, est hésité aujourd'hui par près d'un Wallon sur quatre. Les humanistes arrivent troisième, moins 1,5%, statu quo pour Écolo. Mais le grand enseignement de ce sondage, le voici, la montée des plus petites formations, le PTB par exemple, à 6,7%, qui pourrait faire son entrée au Parlement fédéral. Même constat à l'opposé de l'échiquier politique avec le Parti populaire qui affiche un 5,6%. Voici la courbe du Parti socialiste en Wallonie depuis les dernières élections fédérales. Une chute qui approche les 10%, alors que celle des libéraux est stable. À Bruxelles, même si le Parti socialiste conserve la première place, 21,2%, cela se joue dans un mouchoir avec le MR. La stratégie bruxelloise de Didier Reinders, très exposée ces derniers jours, lui rapporte 1,3%. Je m'arrêterai parce que je vais montrer des exemples plus récents. Donc, un commentaire? Ouais. 4,3% d'erreur. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Enfin, qu'est-ce que le journaliste... On nous prend pour des cons, oui, c'est ça. Donc, regardons un petit peu les derniers sondages. Donc, ça, c'est un sondage qui date de janvier 2016. On reprend la méthodologie. Vous avez maintenant compris un peu comment ça fonctionne. 2614, très bien. 1000 en Wallonie, 1000 en Flandre, 537 à Bruxelles. OK. Donc, qu'est-ce que titre le journal, le soir? Baromètre politique, le PS reprend de l'avance sur le MR en Wallonie. Donc, gros titre, donc c'est sur la première page de votre journal, vous voyez dans le kiosque, le PS reprend du Paul Labette et l'avance sur le MR. Donc, regardons maintenant les résultats. Donc, ça c'est en Wallonie. Donc, on est à 1000, très bien. On est à 1000, donc on regarde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans la première colonne grise, claire, c'est les résultats des élections de 2014. Et vous avez un sondage intermédiaire, et puis vous avez le dernier sondage. Donc, déjà, la question qu'on se pose, c'est par rapport à quelle élection est-ce qu'on... De quoi on parle? La baisse n'est pas évidente. Donc ici, c'est une baisse d'un sondage à l'autre, plus ou moins. Et donc on voit qu'à 1000, finalement, les variations PSMR, entre 26 et 26,7, 0,7 de montée, on est là. Donc avec 2,5, on est largement dans la marge d'erreur. Donc on pourrait très bien dire l'inverse ou encore mettre 2% en plus si on a envie. Le MR, même chose, stagnation. Bon, là où il y a peut-être des petites variations plus notables, c'est, allez, prenons le CDH, on a un résultat de 10%. Alors ici, on n'est plus dans cette colonne, on est dans cette colonne, ok? Puisqu'on est, on est plus proche de 10, puisqu'on est à 11, etc. Bon, prenons ça. Alors on est... un effectif à 1000, donc la marge d'erreur est ici à 1,8%. Oui, on peut dire qu'il y a peut-être une petite baisse par rapport à ça. etc. Donc vous voyez, alors pour le, peut-être pour le Parti populaire, parce que là il y a, c'est un petit résultat, on est à 5, on est à 5%, donc ici on est là, 1,4, vous voyez que bon, il y a 0,6 de différence entre 4,6 et 5,2, on est largement dans la marge d'erreur. Donc finalement c'est là où je vous dis qu'il y a le travail d'interprétation qui compte. Alors voyons maintenant à Bruxelles, et là je vous ai dit que ben, on n'est pas en fait dans cette colonne. On est à 500 sondés, donc un effectif de 500, donc on est ici. Donc pour les partis qui sont à 20, vous voyez que la marge d'erreur, elle est à 3,6. C'est juste énorme, hein, donc plus 3,6 ou moins 3,6. Donc vous voyez que la baisse du MR, la montée du MR ou la baisse du PS, finalement, c'est au bon vouloir de l'institut de sondage ou au bon vouloir du commentateur. Hein. Bon, là où on peut peut-être voir un gros changement, c'est entre une élection de 2014, 3,8% pour le PTB, et le sondage qui les place à 7 ici, où là, effectivement, on dépasse largement, je pense, la marge d'erreur. Voyons, okay, on est dans les 500, on est à un résultat qui équivaut à 7, donc 7, on va dire qu'on est plus proche de 5%, donc 1,9, oui, entre 3,8 et 7, on dépasse les 1,9 de marge d'erreur. Mais entre aujourd'hui l'élection et le dernier sondage, on voit que la nuance est très faible, etc. Donc voilà en tout cas pour le sondage. Alors la Flandre, là aussi, vous voyez, il n'y a pas énormément de changements. Donc là, on était encore en janvier 2016. Alors le dernier sondage qui est paru, c'est celui du mois de septembre. Et là, le grand titre, comme le soir, de nouveau, c'était donc le 29 septembre, il y a quelques jours, grand baromètre au spectaculaire du PTB, troisième parti francophone. Allez, on reprend, maintenant, c'est la dernière fois, après je vous laisse tranquille. Donc, 2465, 982 en Wallonie, donc on n'atteint pas tout à fait les 1000, mais bon, alors on va dire que c'est 1000. Et à Bruxelles, on a combien, madame 500, ok, 500 piles. Donc, 500 piles, et regardons ce qu'on nous dit. Donc, le PTB, au spectaculaire. Alors là, vous voyez, il y a une petite colonne qui manque. C'est, en comparaison à celui du mois de janvier, on nous parle du résultat par rapport à la dernière élection, et pas par rapport au dernier sondage. Okay, donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on veut être complètement insidieux, hein, on peut dire, tiens, parce que, évidemment, entre la dernière élection et le sondage d'aujourd'hui, la différence, l'écart est beaucoup plus spectaculaire que si on prend les résultats du dernier sondage. Okay. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit à Bruxelles? À Bruxelles, on est dans 500. Hein, donc 500 à 20, la marge d'erreur est de 3,6. Très bien. Alors prenons un parti qui fait 20. Ben voilà, on voit que le MR est à baisser. Alors on dit que le MR baisse à Bruxelles. Et pourtant, on est encore dans la marge d'erreur, puisque entre 20,3 et 23,1. On est sous 3,6. Le PS, oui, là il y a une vraie baisse. Là c'est clair et net. Le PTB, oui, hein, on voit clairement que ça explose. Mais pour les autres partis, il n'y a rien en fait comme différence. Ici le CDH, on passe de 9,3 à 7,8. On va dire que 7,8, on est. Allez, on va dire qu'on est dans 7,8, on va dire qu'on est quand même encore presque près de 10. 1,8. Bon, vous voyez qu'on est presque dans la marge d'erreur, on est dans la marge d'erreur, donc là aussi c'est une interprétation. Okay. Bon, prenons, je sais pas, vite la Wallonie, très bien. Donc vous voyez là aussi que le PS baisse de manière spectaculaire, oui. Que le PTB monte de manière spectaculaire, oui, c'est correct. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être tirés. Donc là, effectivement, on peut conclure que par rapport aux élections de 2014, le PTB explose, oui, dans le sondage. Mais encore faut-il préciser la temporalité. On ne parle pas par rapport au dernier sondage, on parle par rapport à 2014. Flandre, là, intention de vote, bon voilà, NVA. Donc on ne va pas passer plus de temps là-dessus, mais donc vous voyez qu'il y a des. Que ce soit Groen, que ce soit le PNVLD, SPA, CDLV, tout ça, on ne sait pas en fait si ça monte ou ça descend. PVDA, donc c'est le PTB dans Flandre, même chose. Par contre, que la NVA, qui est une sorte de vase communicant entre la NVA et le Vlaams Belang, ça on peut facilement l'observer. On a une sorte le va-et-vient dans l'électorat à ce niveau-là. Donc voilà en tout cas la façon de regarder les sondages qui change un petit peu. Et donc l'écart entre les candidats est souvent inférieur à la marge d'erreur. Et donc c'est un résultat qui rend difficile de prévoir tout ordre d'arrivée réel. Et c'est pour ça que si vous observez un petit peu les derniers sondages, que ce soit lors des dernières élections en Israël, par exemple, où Netanyahou était devenu perdant, que ce soit en Turquie, avant bien sûr le feu de putsch raté, où là aussi on pensait que Erdogan allait être mis en difficulté par l'opposition, à chaque fois les sondages sont plantés. Hein. Alors on a vu que Gallup avait abandonné parce que les données n'étaient plus, les données par téléphone et par smartphone n'étaient plus tout à fait valables. Mais donc on voit avec tout ça que l'ordre d'arrivée qui vous est présenté dans les journaux, qui vous est présenté dans les médias, c'est finalement une forme d'agenda setting. Alors c'est quoi l'agenda setting? C'est la manière dont les médias vont privilégier une information sur une autre. Et puis l'autre concept dont on parlera peut-être des prochaines semaines, c'est le concept de framing. Framing, vous savez ce que ça veut dire? Le cadrage. Le cadrage, donc c'est la manière dont un média va vous présenter une information. Vous savez, c'est comme un guide dans un musée. Vous pouvez aller dans un musée tout seul, regarder les œuvres, et puis il y a un guide qui va vous dire comment il faut regarder l'œuvre. Hein, donc vous avez là, c'est pas comme ça qu'il faut regarder l'œuvre, c'est pas comme ça qu'il faut la comprendre. Et donc c'est le sorte de filtre qui est appliqué par le média sur des résultats statistiques qui sont tout à fait variables et tout à fait peu indicatifs d'une réalité, puisqu'on voit qu'on se situe dans une marge d'erreur relativement grande. Donc il y ait des résultats forts, comme celui-ci du PTB ou de la NVA qui chute, ok, mais pour le reste, on peut rien dire, et donc c'est un rôle clé des médias, et c'est une responsabilité très importante à apporter à charge éthique très importante de titrer des informations souvent erronées en disant que telle partie perd de l'avance, que telle partie gagne des points dans un sondage alors qu'on est dans la marge d'erreur. Donc il est clairement insensé d'affirmer, comme on le lit parfois, comme on l'entend souvent dans les médias, que la popularité d'un tel ou les intentions de vote pour un autre ont augmenté ou diminué lorsqu'un sondage indique un point de pourcentage de différence, hein, par rapport à un sondage antérieur. Ça, retenez bien ça, hein, surtout j'espère que vous avez bien compris. Lorsqu'on vous dit que grande victoire pour l'OMR ou pour le PS parce qu'ils ont fait un point de plus, franchement, on s'en fiche, hein, surtout à Bruxelles, parce que vous avez une marge d'erreur de 3,6, ça ne veut absolument rien dire. Et donc attention à cet élément-là. Et donc, il est établi que le sondage fournit une estimation. Il est essentiel, encore une fois, de prendre la mesure de sa précision et de ses limites. Donc, ayez le réflexe d'aller toujours voir ce petit encadré, de voir comment le sondage est fabriqué. Il y a une obligation, en tout cas, de publier ce type d'éléments. Et donc, aujourd'hui, les recommandations de différentes associations sont très explicites par rapport à cet élément-là. Vous avez un code for the publication of opinion polls. C'est un code international qui vise justement à la précision et la fiabilité des sondages et qui a été approuvé par le Conseil de l'Europe et qui énonce que justement la publication, la publication d'un résultat doit comprendre tous ces éléments. Donc, avant de vous montrer un sondage, il faut absolument que tout ceci soit transparent. Donc, l'univers étudié, la taille de l'échantillon, les dates, hein, quand est-ce qu'on a effectué le sondage. Vous imaginez bien qu'un sondage sur la sécurité à Bruxelles varie fortement avant ou après les tragiques attentats du mois de mars. Donc la temporalité du sondage est extrêmement importante. Les méthodes d'échantillonnage, tout ce qu'on a déjà dit, les méthodes d'interview, la formulation des questions posées, tout ça est très important. Ok, alors l'ensemble de ces renseignements doit être mentionné et donc s'il s'agit d'un média de presse écrite, on va le retrouver dans l'article et si dans le JT on en parle, eh bien il faut que ces éléments soient aussi précisés. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein, le représentant du JT, je ne me souviens pas, mais enfin je ne me rappelle pas, mais je ne pense pas qu'il ait dit que ça a été effectué sur 500 personnes à Bruxelles. Peut-être que c'est écrit en tout petit en bas sur un schéma, mais ça pose quand même question aussi à ce niveau-là. Voilà, je propose de faire une pause et on reprend dans...